Cher auditeur, d'ici vous parle le podcast « Au Créateur ». Et toutes les semaines, je citerai un poste qui aura l'adoration de toute la semaine. Le poste de cette semaine s'appelle « L'accusation dogmatique à Dieu », que je passerai à citer. Le paresseux, ce n'est pas un sophiste, mais ce qui représente le grand être ou l'agent suprême, de telle façon qu'il soit condamné à l'inaction et comment pourrait être autrement dans cette hypothèse si dans lui c'est déjà le tout éternellement. Cette accusation directe à Dieu est dépourvue de sens une fois que Dieu a fait une œuvre immense en 7 jours qui a été l'univers et la terre incluse. Seulement se reposant après, il n'y même l'homme resserrait faire de temps un million de vies terrenes. L'homme naît, travaille et à la fin de son âge et de son œuvre se repose, il ne travaille déjà plus. Et donc, par l'homme Dieu n'a le droit de se reposer après sa création, seul parce que l'homme lui trouve comme paresseux. Ceux-là qui représentent le grand être peuvent pas être mis au même niveau que le grand être, et beaucoup moins le sophiste lui sera plus apprécié. La représentation du grand être, c'est une activité qui demande déjà pour soi une grande activité cérébrale au niveau de l'imagination, et tous ceux qui défendent le grand être ont certainement son appui. Dans un autre côté, si l'homme considère que le grand être est condamné à l'inaction pour avoir déjà créé éternellement tout, seul se peut éluder à soi-même, parce que Dieu a créé la terre et tout l'univers, mais continue actif comme dès le début un qu'a fait le travail le plus grand de sa création, et continue actif fait dans la mesure qu'en ayant fini la création, a passé à l'acte de sa manutention, et tous les jours Dieu age dans la nature et dans l'univers de façon à que ceux-ci se maintiennent productifs et accomplissent le rôle pour lequel Dieu les a créés. Ici à la fin du poste de 26 juillet 2016. Vous pouvez visiter aussi les 2 blogs que j'ai, un dans le blogger intitulé « Au Créateur éterne » écrit en français aussi, et d'autres dans le Facebook intitulé « Au Créateur éterne verbe » écrit en français également. Et maintenant je vous laisse avec musique classique dans lequel vous irez écouter Robert Schumann, Traumreihe op. 15-7, troisième mouvement.